L'idiot par Henri Barbusse. Quand je partis de chez nous, dit Vandore, j'étais l'idiot local. Oui, dans ce bourg qui portait, du reste, un nom stupide, ça t'honorait, je désespérais mes parents, et j'amusais mes concitoyens par ma candeur sans fond, ma timidité sans borne et ma sensibilité sans excuse. Ma sensibilité, surtout, qui était la résultante et comme la crise aiguë de mon état de bêtise générale. Je m'attendrissais, et comment, sur tel vieux chat râpé, sur tel vieux cheval bossu et rapiécé, dont on voyait déjà rougeoyer par place le romsteck et l'entrecôte ou le filet. On m'aperçut à diverses reprises embrassant les veaux au seuil de l'abattoir. Je restais, pendant des minutes, planté au beau milieu du chemin, pour voir passer tout doucement un enfant infirme, qui bien entendu me tirait la langue en passant. Et si, bien souvent, je suis rentré dîner en retard, c'est que j'étais demeuré figé en une sorte d'extase interminable et sinistre en face de la façade ou même d'un mur de l'hôpital. Quant à m'intéresser à ce qui constitue à proprement parler la vie, les événements, les idées, les inventions, les gens célèbres, non, non, ça m'était défendu par ma nature à moi. Que deux fois, dans un salon, dans un café, j'écoutais sans les entendre des conversations où l'on agitait des questions importantes. Que deux fois, j'abandonnais le soir sur un coin de table sans l'avoir ouvert le journal, reflet imprimé des grands faits humains et de l'activité universelle. Que deux fois, je ne pensais plus que j'avais commencé à lire le dernier roman psychologique de l'auteur connu. Tout ce dont on se préoccupe ici-bas, dont on se nourrit l'esprit, je n'y comprenais goutte et n'en avais cure. Les yeux en dedans, ruminant des patenôtres incompréhensibles, bornés et toujours pareils, comme un bon centripète, je laissais la terre tourner en dehors de moi. Je ne ressemblais à personne, j'étais comme le fantôme d'un autre, et je m'enfonçais dans une stupidité pleurarde et monotone. Après, eh bien après, je m'en allais à Paris, ou plutôt j'y fus jeté, sans ménagement, par le hasard des circonstances. Alors là, tout changea. Après maints déboires, de multiples humiliations et beaucoup de camouflets, je perdis la candeur qui me mettait à tout bout de champ un indiscret petit masque rose sur la peau de la figure et la sensibilité qui me travaillait les entrailles. Cette transformation fut complète, trop même. Elle dépassa non seulement les prévisions les plus optimistes, mais encore les limites. Vous connaissez le cas légendaire des timides qui, à force de se guérir, deviennent enragés. Ce fut le mien. Donc, au bout de quelques années, le provincial falot, à l'âme bégayante, devint un citadin averti et frémissant d'activité. J'allais partout, je fus au courant de tout, rien ne m'échappa. Il ne fut aucun sujet d'actualité dont je ne pusse discourir d'abondance et abondamment. Les potins, les informations piquantes et sensationnelles venaient d'eux-mêmes à moi. J'étais un vrai piège à nouvelles. Vous savez le succès que je remportais à cette époque où j'eus dépouillé ma gangue. Vous savez, hein, quel brillant homme du monde je me révélais. Ah, ces acclamations, ces sourires incalculables dans les salons éblouissants. J'inventais des occupations nouvelles. C'est moi qui découvris un soir le quadruple Boston et entrevis le quintuple Boston et ce glorieux sport, intermédiaire entre le golf et le tennis, c'est moi seul qui l'imaginais. Cependant, je ne restais pas là. Je ne me contentais plus à un moment donné de rouler ma bosse à travers le grand monde. J'évoluais. Les satisfactions superficielles me lassèrent, me déplurent. J'orientais mes capacités vers des besognes plus sérieuses et plus hautes. Je m'intéressais au mouvement des idées, au progrès, à la littérature, à l'histoire. J'assignai à mon activité de nobles buts, et je fus encore favorisé par le destin, puisque je fus nommé député, et que j'obtins 6 voix à l'Académie française lorsque mes amis me poussèrent à m'y présenter. Mes ouvrages sur des sujets d'ethnographie, de sociologie et de philosophie furent remarqués, et soit dit entre nous, ce n'est pas de sitôt qu'on trouvera mieux pour les remplacer. Ai-je besoin d'ajouter qu'à cette période de ma carrière, je ne me rappelais la béate paresse d'esprit où j'avais végété jusqu'à l'âge mûr, que pour en être à la fois stupéfait et dégoûté? Ai-je besoin d'ajouter encore que j'évitais avec soin toute occasion de retourner à ce pays natal, qui, nonobstant que je fusse naguère un être parfaitement nul, m'avait tout de même, n'est-ce pas, méconnu? Je ne savais plus, de la campagne, que des décors filant de droite et de gauche, soit dans des nuages de fumée, soit dans des nuages de poussière, ou bien que les fourris officiels et truqués, ou les lapins, par une aberration qui est le comble de l'art, font tout leur possible pour se précipiter non pas dans les trous des terriers, mais dans les canaux des fusils. Cette existence de travail, de fièvre, d'entreprise dura des années. Et puis elle finit, comme est bien forcé de finir tout ce qui commence ici-bas. Peu à peu, je m'y attachais moins, m'en détachais. Et me voilà, chargé de lauriers, revenant un beau matin à Saint-Honoré pour y prendre désormais racine jusqu'à la fin. Je n'étais pas vieux encore, dans le sens que j'étais loin d'être usé. Mais bien entendu, je n'étais plus le même qu'avant. La longue expérience des choses et des gens rendait au village, en place de l'adolescent gauche et tremblant, à l'œil sautement pur, qui en était sorti, un homme très fatigué, au front creusé d'un pli amer, aux yeux mélancoliques et pénétrants. J'étais décrassé, vous pensez combien, de mon ignorance, dépouillé à fond de mes illusions, élagué, stérilisé, d'une façon absolue et quasi scientifique, de toute spontanéité. Certes, on me reçut bien. Je n'ai pas à me plaindre de mes concitoyens qui avaient à se faire pardonner de ne m'avoir pas deviné. Certes, mais tout cet accueil, au lieu de me flatter, m'effraya, me troubla. J'en fus intimidé, moi. Dès la première semaine, il m'advint d'imaginer des prétextes pour éviter un banquet et une réunion en mon honneur. Je m'effaçais. Et il arriva, chers amis, que je me mis, moi, l'idole des cohues, à être attiré par l'ombre et les coins des chambres comme si c'était des êtres sans forme, comme si c'était des cœurs. Je me mis, petit à petit, à m'attendrir sur les petits vieux et les petits enfants. Je me mis à caresser les bestioles qu'on menait à la mort, à leur jeter les bras autour du cou, et à les retenir un peu, avant le préau au sol gluant. Oui, vous avez bien entendu, il arrive que je redeviens comme avant. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas, c'est parce que je sais. Je recommence avec conscience, avec foi, à pratiquer la pitié, à laquelle je me laisse aller par instinct, dans les temps passés, la pitié. Elle conclut clairement ma vie, comme elle l'avait obscurément ébauchée. Riche d'expérience comme je suis, je ne me consacre qu'à elle et je ne trouve plus d'attrait au tourbillon des ambitions ou des progrès. De nouveau, je ne comprends plus rien, au bourdonnement des conversations ou au cri des assemblées. Et de nouveau, je hausse les épaules, excédé d'avance, au moment de lire les articles politiques, les discours et les livres. Mais j'ai pitié, autour de moi, tant que je peux, j'ai pitié. J'accorde du prix à de douces révélations simples, et je trouve qu'elles sont prouvées et qu'elles règnent. Quand je sonde les yeux effrayamment vides d'un mendiant qui réclame ou d'un cheval qui tire, je sens, bien mieux qu'au jour de mes gesticulations et de mes œuvres, que je me mélange à la vie mystérieuse et profonde. J'entre dans la grande nature, dans la grande vérité, jusqu'au cœur, et sérieusement, cette fois, je deviens bête comme tout. C'était L'Idiot par Henri Barbusse.